Le personnel et la direction des transports Véro souhaitent de joyeuses fêtes et remercient ses clients durant l'année qui se termine. Paix, bonheur, amour et prospérité, ce sont les vœux du groupe Véro, situé au 1106 Saint-Christophe à Saint-Félicien. On peut nous rejoindre au 418-679-1573. Vos caisses Desjardins du Lac-Saint-Jean vous souhaitent de joyeuses fêtes. Que cette période soit empreinte de douceur et de magie. Et que votre année 2021 soit plus sereine et remplie de petits bonheurs de la vie. Meilleurs vœux à vous et à tous ceux qui vous sont chers. En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désirent remercier sa distinguée clientèle et profitent de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolbeau-Missassigny, au numéro de téléphone 88-276-93-83. On va parler de Fat Bike et de l'Association des sportifs d'Albanel qui a un beau projet cette année. Ils vont lancer finalement une nouvelle piste de Fat Bike. C'est annoncé dans le nouvel hebdo de sa dernière édition. On parle avec le président, M. Régin Hudon. Bonjour, M. Hudon. Oui, bonjour. M. Hudon, c'est un beau projet que vous avez mis en branle. Ben, effectivement, oui, c'est un beau projet. C'est un projet qui date de plusieurs années. On ramenait ça à tous les automnes. Là. Puis là, cette année, ben là, on était prêts. Fait que on avait des gens qui étaient prêts à s'en occuper. Fait que on est allé de l'avant avec le projet. Puis c'est un beau pas, c'est une belle piste. On parle de 10 km, c'est ça? Oui, on parle là, d'un trajet d'environ c'est 5 km, là, mais ça vous donne un 10 aller-retour. Là. Okay. Cette année, là, vous partez, vous faites une petite boucle à la fin, vous revenez. Pour cette année, les gens vont se rencontrer. Mais pour ceux là, qui s'intéressent, là, ça fait un beau 10 km. OK. Ça part de où, hein? Ah, ça part du club. OK. Ça part du club. Là. Pour ceux qui sont familiers, là, on a notre piste familiale, on a notre piste 7.5 là, qui se trouve être la piste cyclable qui mène à la 9e chute. Puis un petit peu plus loin, là, on a un départ pour le Fat Bike, là. Fait que, mais les gens vont pouvoir venir s'inscrire au club et aller rejoindre la piste là, à peu près à 100 mètres du club, là, même pas 50 mètres du club. Ouais. OK, OK. Dites-moi, est-ce que vous avez beaucoup d'adeptes de Fat Bike? Pour nous, là, c'est un projet pilote. OK. On a, dire qu'on en a beaucoup, non. Il y a eu beaucoup d'intérêt, puis on a des gens qui se sont montrés intéressés, mais dire qu'on en a beaucoup présentement, non. Mais okay. Là, le fait de l'annoncer, ben, on pense qu'on va gagner des adeptes. Ben, c'est clair, puis c'est un beau sport aussi. C'est la seule différence, c'est que ça coûte cher, mais il doit moyen d'en louer, j'imagine. Je le sais pas. Nous, c'est certain que nous, on n'en a pas. Puis même cette année, nos skis, nos raquettes, on les loue pas à la journée à cause là, de la COVID. Là. Okay. Fait que peut-être que si le projet fonctionne bien, peut-être que dans le futur, oui, on louera des vélos, là, mais pas pour l'instant. Il faut que les gens viennent avec leurs vélos. Comment ça va cette année? J'ai fait une entrevue avec la Domiski cette semaine. C'est plusieurs contraintes. J'imagine que c'est la même affaire à l'Association des sportifs d'Albanel. Ben, en fait, oui. Nous, les contraintes, là, on c'est surtout au niveau de l'accès au chalet, là, à l'Association des sportifs. Là. Bien entendu, on n'a pas de restauration cette année. Pas de restauration, on ne sert pas d'alcool. Ensuite de ça, on limite le nombre de personnes à 8 à l'intérieur. Mais voyez-vous, en fin de semaine, on a eu un bon achalandage, là, puis il n'y a aucun problème. Les gens peuvent entrer, mettre leurs bottes, garder le vêtement à l'intérieur, dans le sac, fait qu'à chaleur, fait que ça, ils peuvent le faire. Fait que ce qu'on demande aux gens, c'est qu'il y ait une circulation, mais je vous dis que ça va quand même assez bien malgré les restrictions. Là. Une passe annuelle pour faire partie de votre... Oui. Puis j'imagine que... Oui. Comment ça a été cette année? Ça a-tu bien été? Ben, en fait, oui, ça va bien. Les inscriptions pour les passes annuelles, ça va bien. Juste pour se faire une petite publicité, là, la passe familiale pour le ski de fond est à 250. Ça vous donne accès au ski de fond et à la raquette. La passe individuelle est à 150 $. Ça vous donne encore une fois ski de fond, raquette. Pour ceux qui veulent juste faire de la raquette, familiale, c'est 45, individuelle, c'est 35. Bien entendu, ceux qui on a des forfaits à journée, on a des prix à la journée. Et on ne sait pas, on ne s'est pas tout à fait penché encore pour les prix du Fat Bike. Puis là, on n'est pas tout à fait prêt encore. Là. Il nous manque encore un peu de neige là, pour dire là, qu'on envoie là, les vélos là, dans le sentier. Là, ben, puis, c'est sûr. Puis je pense qu'il annonce de l'appui. Il annonce de l'appui aussi. Oui, il annonce de l'appui aussi. Fait que c'est malheureusement, là, il nous en manque un petit peu. Fait qu'on fait de la publicité, mais on dit aux gens là, qu'on n'est pas tout à fait prêt encore. Le fait qu'il n'y a pas de hockey ou encore de hockey organisé, j'imagine que ça va avoir un impact direct sur vous. Oui, ça devrait aider beaucoup, là. Oui, en fait, là, oui, ça nous aide parce qu'on a beaucoup de nouveaux visages cette année, de nouvelles inscriptions. Des gens qui, même des gens de l'extérieur qui sont en télétravail, qui viennent faire du ski. On voit, là, on entend parler, là, ben, quand on parle des fat bikes, là, il y a pas tous nos commerces en région en ont plus, sont en rupture de stock. Apparemment, quand, au niveau des skis, les ventes vont bien aussi. Fait que, on s'attend à ce que on va avoir des répercussions positives, là, pour nos centres de ski, là, je parle. Okay. Pour nous autres, puis ceux aux alentours. Ben, tant mieux. Ben, monsieur Jean Hudon, un gros, gros, gros merci. Au plaisir de se reparler un autre tantôt. Ben, ça m'a fait plaisir, puis passez une belle journée et des joyeuses fêtes. Le président de l'Association des sportifs d'Albanel, monsieur Jean